J'y vais pas, c'est mon choix. Combien ça coûte, sans aucun doute. Les amours, c'est jour après jour. La méthode Coé, on a tout essayé. Méfiez-vous, mesdames et messieurs, de la télévision. Méfiez-vous des animateurs vicieux, ils sont souvent bidons. Méfiez-vous, soyez-en soucieux, ou vous serez le roi des cons. Le maillon faible, c'est Bataille ou Fontaine. Ça se discute, Momomotus. Qui veut gagner des millions? Ça, c'est une question pour un champion. Le juste prix, c'est ma vie, alors vis ma vie. Telle est la fiction de toutes nos soirées. Telle est l'addiction de la télé. Telle est ma vision de la télévision. Mon cœur est en zone rouge entre le millionnaire et la roue de la fortune. Confessions intimes, ça vaut pas un centime. La cible, c'est impossible. Quant au big deal, c'est complètement débile. Qui passera à la télévision? Qui voudra danser dans ses émissions? Lâchera du pèse en gagnant du pognon. Gagnera du pèse en lâchant du pognon. Gagnera du pèse en lâchant du pognon.